pris sur le vif. Écoutez. Tiens, voilà Paul, c'est un ami. Salut Anne, ça va? Pas mal, merci. Et toi? Très bien. Paul, je te présente Jeanne, une amie étudiante. Enchantée. Où allez-vous? Nous allons à la fac. Alors, au revoir. À demain. Bonne journée. Répétez. Tiens, voilà Paul, c'est un ami. Salut Anne, ça va? Pas mal, merci. Et toi? Très bien. Paul, je te présente Jeanne, une amie étudiante. Enchantée. Où allez-vous? Nous allons à la fac. Alors, au revoir. À demain. Bonne journée. Écoutez. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je me présente. Je suis Marie, l'amie de Jeanne. Ravie de faire votre connaissance. Entrez. Merci. Jeanne est-elle à la maison? Oui, elle ne va pas bien aujourd'hui. Elle reste à la maison. Oh, bonjour, Marie. Alors, ça ne va pas? Pas très bien. Répétez. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je me présente. Je suis Marie, l'amie de Jeanne. Ravie de faire votre connaissance. Entrez. Merci. Jeanne est-elle à la maison? Oui, elle ne va pas bien aujourd'hui. Elle reste à la maison. Oh, bonjour, Marie. Alors, ça ne va pas? Pas très bien.